Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 7, du samedi 6 octobre 1883. Page 1, colonne 5. Cour d'assises. La cour d'assises pour le district de Saint-François s'est ouverte lundi dernier sous la présidence de M. le juge Brooks. Son honneur, le juge Plamondon, qui doit présider durant les procès dans lesquels son collègue se trouve incompétent, occupait un siège sur le tribunal. M. William White, C.R., et M. L.C. Bélanger représentent la couronne comme substitut du procureur général. Il y avait une grande foule dans la salle d'audience, attirée par les causes importantes qui doivent se dérouler devant les présentes assises. Surtout celle pour meurtre contre Emma I. Rogers, accusée d'avoir empoisonné son mari, le défunt Coates. Parmi les assistants se trouvait le docteur Vallée, professeur de toxicologie à l'Université Laval à Québec, ainsi que M. John Langelier, registrateur provincial. Après les proclamations d'usage, les grands jurés suivants furent assermentés. G. H. Bradford, président. F. Coates, E. H. Moore, F. D. Burton, C. E. Comstock, G. P. Barnett, William Jameson, George Ramsey, Rob Mitchell, R. L. Cleveland, François Delisle, James Leavitt, Eugène J. Tétu, E. J. Rugg, Hollis M. Hodge, Louis Dupuis, G. W. Widget, Erastus Ball, G. C. Bowen, Augustin Brodeur, John Edwards, A. M. Greenshields, Thomas W. Fuller. Le savant juge félicita la législature d'avoir élevé le niveau des qualifications requises pour être grand juré. La fortune n'est point toujours, ni seule, une preuve d'intelligence et d'éducation, mais cette législation est un pas dans la bonne direction. Quant au nombre des offenses, il est plus grand que d'ordinaire depuis nombre d'années et comprend des crimes de la plus haute importance. Un cas de meurtre par empoisonnement, deux cas de blessure avec intention de meurtre, deux cas de voie de fait sur la personne avec gravité, un cas de faux en écriture, un cas de viol, deux cas de parjure. Touchant le cas d'empoisonnement, le savant juge exprima le regret qu'on en avait tant parlé et écrit dans le public et les journaux, mais cela s'explique par le fait que c'est le premier du genre dans le district. Il insista fortement sur la nécessité de donner à la prévenue tous les avantages de l'impartialité dans ces procédures importantes. Les prévenus sous caution furent alors appelés. Tous étaient présents. Maître J. W. Mary demanda l'émanation d'un bref d'habeas corpus adressé au préfet du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, lui enjoignant de produire la personne du détenu David Kelly afin d'avoir son témoignage dans la cause de la reine contre Webster pour crime de faux en écriture. Motion accordée. Les prévenus suivants furent alors placés au banc des accusés: Frank Haggerty, Lawrence Haggerty, Hugh Haggerty, John Haggerty, quatre frères, Rémi Lamontagne, Rémi Fréchette et James Keefe, tous du canton de Wolfeston, pour subir leur procès. Accusation: coups et blessures infligés le 23 septembre 1883 à James C. Larkin de Woodville, New Hampshire, alors en visite chez ses parents, avec intention de meurtre, etc. Cette cause importante s'est continuée le reste de la journée de mardi. M. Bélanger la conduisit pour la couronne et M. Ives, M.P. C.R., défendu les accusés avec tout le zèle et le talent qu'on lui connaît. Le jury se retira à 3h30 p.m. pour délibérer. Verdict: coupable d'assaut simple, à l'exception de John Haggerty, déclaré non coupable. Celui-ci est libéré. Le grand jury fit rapport qu'il avait trouvé bien fondé les accusations suivantes. Contre Henry O'Regan, pour viol sur la personne d'une petite fille d'âgée de 11 ans, à Richmond, en août dernier. Mis en accusation, le prévenu, par lui-même et son défenseur, Maître Mary, offrit la défense de non coupable et immunité. Contre John Allen, prévenu d'avoir le 29 juillet dernier, avec deux complices, battu chez M. W. W. Edwards, alors en chaloupe avec deux amis sur le lac Memphrey Magog, et de lui avoir infligé des coups et blessures avec intention de meurtre, etc., la justice n'a pu encore mettre la main sur les deux autres prévenus. L'accusé Allen se déclare non coupable et Maître J.S. Broderick lui est choisi comme défenseur par le tribunal. Dans l'après-midi de mardi, le grand jury fit rapport qu'il avait trouvé bien fondé l'accusation portée contre la jeune prévenue Coates. Celle-ci fut alors traînée au banc des accusés et, lorsque le greffier lui demanda si elle était coupable ou non coupable, elle répondit, la vue basse et d'une voix assez ferme, « Not guilty ». Procès fixé pour jeudi. La prévenue était vêtue de noir, deuil de son défunt mari. Elle est de petite taille, brunette, yeux vifs et perçants, visage arrondi, bouche délicate, cheveux châtains. Dans l'ensemble, elle est une jolie petite femme. Sa présence causa une vive commotion dans l'auditoire. John Allen fut ensuite placé au banc des accusés pour subir son procès, chose qui n'était point finie lors de l'ajournement de la séance. À 5 h p.m., le grand jury fit rapport qu'il n'y a point matière à procès dans les causes suivantes. Contre M. Codds, contre M. Wood, William Brochu, avocat à Richmond, pour voie de fin sur le chemin du Grand Tronc. Et la séance est ajournée.